Narcisse ramena Pierre dans la galerie des candélabres, longue de 100 mètres et où se trouvent de fort beaux morceaux de sculpture. « Écoutez, mon cher abbé, il n'est guère que 4 heures et nous allons nous asseoir un instant ici, car il arrive, m'a-t-on dit, que le Saint-Père y passe parfois pour descendre au jardin. Ce serait une vraie chance si vous pouviez le voir. Lui parler peut-être, qui sait ? En tout cas, ça vous reposera. Vous devez avoir les jambes rompues. » Il était connu de tous les gardiens. Sa parenté avec Monsignor et Gamba del Zoppo lui ouvrait toutes les portes du Vatican, où il aimait venir passer ainsi des journées entières. 2 chaises étaient là, ils s'installèrent, et il se remit à parler d'art immédiatement. « Cette Rome, quelle étonnante destinée, quelle royauté souveraine et d'emprunt que la sienne! Il semble qu'elle soit un centre où le monde entier converge et aboutit, mais où rien ne pousse du sol même, frappé de stérilité dès le début. Il faut y acclimater les arts, y transplanter le génie des peuples voisins, qui, dès lors, y fleurit magnifiquement. Sous les empereurs, lorsqu'elle est la reine de la terre, c'est de la Grèce que lui vient la beauté de ses monuments et de ses sculptures. Plus tard, quand le christianisme naît, il reste chez elle tout imprégné du paganisme, et c'est ailleurs, dans un autre terrain, qu'il produit l'art gothique, l'art chrétien par excellence. Plus tard encore, à la Renaissance, c'est bien à Rome que resplendit le siècle de Jules II et de Léon X. Mais ce sont les artistes de la Toscane et de l'Ombrie qui préparent le mouvement, qui lui en apporte la prodigieuse envolée. Pour la seconde fois, l'art lui vient du dehors, lui donne la royauté du monde en prenant chez elle une ampleur triomphale. Alors, c'est le réveil extraordinaire de l'Antiquité, c'est Apollon et c'est Vénus ressuscités, adorés par les papes eux-mêmes, qui, dès Nicolas V, rêvent d'égaler la Rome papale à la Rome impériale. Après les précurseurs, si sincères, si tendres et si forts, Fra Angelico, le Pérugin, Botticelli et tant d'autres, apparaissent les 2 souverainetés, Michel-Ange et Raphaël, le surhumain et le divin. Puis, la chute est brusque, il faut attendre 150 ans pour arriver au Caravage, à tout ce que la science de la peinture a pu conquérir en l'absence du génie, la couleur et le modelé puissant. Ensuite, la déchéance continue jusqu'au Bernin, qui est le transformateur, le véritable créateur de la Rome des papes actuels, le jeune prodige enfantant, dès sa 18e année, toute une lignée de filles de marbre colossales, l'architecte universel, dont l'effrayante activité a terminé la façade de Saint-Pierre, bâti la colonnade, décoré l'intérieur de la basilique, élevé des fontaines, des églises, des palais sans nombre. Et c'était la fin de tout, car depuis, Rome est sortie peu à peu de la vie, s'est éliminée davantage chaque jour du monde moderne, comme si elle, qui a toujours vécu des autres cités, se mourait de ne pouvoir plus leur rien prendre, pour s'en faire encore de la gloire. Le Bernin, ah, le délicieux Bernin, continua à demi-voix Narcisse, de son air pâmé. Il est puissant et exquis, une verve toujours prête, une ingéniosité sans cesse en éveil, une fécondité pleine de grâce et de magnificence. Leur bramante, avec son chef-d'œuvre, sa correcte et froide chancellerie. Eh bien, disons qu'il a été le Michel-Ange et le Raphaël de l'architecture, et n'en parlons plus. Mais le Bernin exquis, dont le prétendu mauvais goût est fait de plus de délicatesse, de plus de raffinement, que les autres n'ont mis de génie dans la perfection et l'énormité. L'âme du Bernin, variée et profonde, où tout notre âge devrait se retrouver, d'un maniérisme si triomphal, d'une recherche de l'artificiel si troublante, si dégagée des bassesses de la réalité. Allez donc voir à la Villa Borghese le groupe d'Apollon et Daphné, qu'il fit à 18 ans, et surtout allez voir sa Sainte Thérèse en extase à Sainte-Marie de la Victoire. Ah, cette Sainte Thérèse! Le ciel ouvert, le frisson que la jouissance divine peut mettre dans le corps de la femme, la volupté de la foi poussée jusqu'au spasme, la créature perdant le souffle, mourant de plaisir au bras de son Dieu. J'ai passé devant elle des heures et des heures, sans jamais épuiser l'infini précieux et dévorant du symbole. Sa voix mourut, et Pierre, qui ne s'étonnait plus de sa haine sourde, inconsciente, contre la santé, la simplicité et la force, l'écoutait à peine, était lui-même tout à l'idée dont il se sentait de plus en plus en veille. La Rome païenne ressuscitant dans la Rome chrétienne, faisant d'elle la Rome catholique, le nouveau centre politique, hiérarchisé et dominateur du gouvernement des peuples. Avait-elle même jamais été chrétienne, en dehors de l'âge primitif des catacombes? C'était, en lui, un prolongement, une affirmation de plus en plus évidente des pensées qu'il avait eues au Palatin, à la voix appienne, puis à Saint-Pierre. Et, le matin même, dans la chapelle Sixtine et dans la chambre de la signature, au milieu de l'étourdissement où le jetait l'admiration, il avait bien compris la preuve nouvelle que le génie apportait. Sans doute, chez Michel-Ange et chez Raphaël, le paganisme ne reparaissait que transformé par l'esprit chrétien. Mais est-ce qu'il n'était pas à la base même? Est-ce que les nudités géantes de l'un ne venaient pas du terrible ciel de Jéhovah vu à travers l'Olympe? Est-ce que les idéales figures de l'autre ne montraient pas, sous le voile chaste de la Vierge, les chairs divines et désirables de Vénus? Maintenant, Pierre en avait la conscience. Il entrait dans son accablement un peu de gêne, car ces beaux corps prodigués, ces nudités glorifiant l'ardente passion de la vie, allaient contre le rêve qu'il avait fait dans son livre, le christianisme rajeuni donnant la paix au monde, le retour à la simplicité, à la pureté des premiers temps. Tout d'un coup, il fut surpris d'entendre Narcisse qui, sans qu'il pût savoir par quelle transition, s'était mis à le renseigner sur l'existence quotidienne de Léon XIII. « Oh, mon cher abbé, à 84 ans, une activité de jeune homme, une vie de volonté et de travail !» comme ni vous ni moi ne voudrions la vivre. Dès 6 heures, il est debout, dit sa messe dans sa chapelle particulière, déjeune d'un peu de lait, puis, de 8 heures à midi, c'est un défilé ininterrompu de cardinaux, de prélats, toutes les affaires des congrégations qui lui passent sous les yeux. Et je vous réponds qu'il n'en est pas de plus nombreuses ni de plus compliquées. À midi, le plus souvent ont lieu les audiences publiques et collectives. À 2 heures, il dîne, vient alors la sieste, qu'il a bien gagnée, ou la promenade dans les jardins, jusqu'à 6 heures. Les audiences particulières, parfois, le tiennent ensuite pendant 1 heure ou 2. Il soupe à 9 heures, et il mange à peine. Vie de rien, toujours seul à sa petite table. Hein? Que pensez-vous de l'étiquette qui l'oblige à cette solitude? Un homme qui, depuis 18 ans, n'a pas eu un convive, éternellement à l'écart dans sa grandeur. Et à 10 heures, après avoir dit le rosaire avec ses familiers, il s'enferme dans sa chambre. Mais s'il se couche, il dort peu. Il est pris de fréquentes insomnies, se relève, appelle un secrétaire pour lui dicter des notes, des lettres. Lorsqu'une affaire intéressante l'occupe, il s'y donne tout entier, y songe sans cesse. C'est là sa vie, sa santé même, une intelligence continuellement en éveil, en travail, une force et une autorité qui ont le besoin de se dépenser. Vous n'ignorez pas d'ailleurs qu'il a longtemps cultivé avec tendresse la poésie latine. On dit aussi qu'il a eu la passion du journalisme dans ses heures de lutte, au point d'inspirer les articles des journaux qu'il subventionnait, et même, assure-t-on, d'en dicter certains, lorsque ses idées les plus chères étaient en jeu. Il y eut un silence. À chaque instant, dans cette immense galerie, des candélabres, déserte et solennelle, au milieu des marbres immobiles, d'une blancheur d'apparition, Narcisse allongeait la tête pour voir si le petit cortège du pape n'allait pas déboucher de la galerie des tapisseries, puis défiler devant eux en se rendant au jardin. « Vous savez, reprit-il, qu'on le descend sur une chaise basse, assez étroite pour qu'elle puisse passer par toutes les portes. Et quel voyage ! Près de 2 kilomètres, au travers des loges, des chambres de Raphaël, des galeries de peinture et de sculpture, sans compter les escaliers nombreux, toute une promenade interminable, avant qu'on le dépose, en bas, dans une allée où une calèche à 2 chevaux l'attend. Le temps est très beau ce soir, il va sûrement venir. Ayons quelque patience. » Et pendant que Narcisse donnait ses détails, Pierre, également dans l'attente, voyait revivre devant lui toute l'extraordinaire histoire. C'était d'abord les papes mondains et fastueux de la Renaissance, ceux qui avaient ressuscité passionnément l'Antiquité, rêvant de draper le Saint-Siège dans la pourpre de l'Empire. Paul II, le Vénitien magnifique, qui avait bâti le palais de Venise, Sixte IV, à qui l'on doit la chapelle Sixtine, et Jules II et Léon X, qui firent de Rome une ville de pompe théâtrale, de fêtes prodigieuses, des tournois, des ballets, des chasses, des mascarades et des festins. La papauté venait de retrouver l'Olympe sous la terre, dans la poussière des ruines, et, comme grisée par ce flot de vie qui remontait du vieux sol, elle créait les musées, en refaisait les temples superbes du paganisme rendus au culte de l'admiration universelle. Jamais l'Église n'avait traversé un tel péril de mort, car si le Christ continuait d'être honoré à Saint-Pierre, Jupiter et tous les dieux, toutes les déesses de marbre, aux belles chairs triomphantes, trônaient dans les salles du Vatican. Puis une autre vision passait, celle des papes modernes, avant l'occupation italienne. Pie IX, libre encore, et sortant souvent dans sa bonne ville de Rome. Le grand carrosse rouge et or était traîné par 6 chevaux, entouré par la garde suisse, suivi par un peloton de gardes nobles. Mais parfois, au corso, le pape quittait le carrosse, poursuivait sa promenade à pied, et alors un garde à cheval galopait en avant, avertissait, faisait tout arrêter. Aussitôt les voitures se rangeaient, les hommes en descendaient pour s'agenouiller sur le pavé, tandis que les femmes, simplement debout, inclinaient la tête dévotement à l'approche du Saint-Père, qui, d'un pas ralenti, allait ainsi avec sa cour jusqu'à la place du peuple, souriant et bénissant. Et maintenant venait Léon XIII, prisonnier volontaire, enfermé dans le Vatican depuis 18 années, ayant pris une majesté plus haute, une sorte de mystère sacré et redoutable, derrière les épaisses murailles silencieuses au fond de cet inconnu, où s'écoulait la vie discrète de chacune de ses journées. Ah, ce pape qu'on ne rencontre plus, qu'on ne voit plus, ce pape caché au commun des hommes, telle qu'une de ces divinités terribles dont les prêtres seuls osent regarder la face. Et il s'est emprisonné dans ce Vatican somptueux que ses ancêtres de la naissance avaient bâti et orné pour des fêtes géantes. Et il vit là, loin des foules, en prison, avec les beaux hommes et les belles femmes de Michel-Ange et de Raphaël, avec les dieux et les déesses de marbre, l'Olympe éclatant, célébrant autour de lui la religion de la lumière et de la vie. Toute la papauté baigne là, avec lui, dans le paganisme. Quel spectacle! Lorsque ce vieillard frêle, d'une blancheur pure, suit ses galeries du musée des Antiques pour se rendre au jardin. À droite, à gauche, les statues le regardent passer, de toute leur chair nue. Et c'est Jupiter, et c'est Apollon, et c'est Vénus, la dominatrice, et c'est Pan, l'universel dieu, dont le rire sonne les joies de la terre. Des Néréides se baignent dans le flot transparent, des Bacchantes roulent parmi les herbes chaudes sans voile, des Centaures galopent en portant sur leurs reins fumants de belles filles pâmées. Ariane est surprise par Bacchus, Ganymède caresse l'aigle, Adonis incendie les couples de sa flamme. Et le blanc vieillard va toujours, balancé sur sa chaise basse, parmi ce triomphe de la chair, cette nudité étalée, glorifiée, qui clame la toute-puissance de la nature, l'éternelle matière. Depuis qu'ils l'ont retrouvée, exhumée, honorée, elle règne là de nouveau, impérissable. Et vainement ils ont mis des feuilles de vigne aux statues, de même qu'ils ont vêtu les grandes figures de Michel-Ange. Le sexe flamboie, la vie déborde, la semence circule à torrents dans les veines du monde. Près de là, dans la bibliothèque vaticane, d'une incomparable richesse, où dort toute la science humaine, ce serait un danger plus terrible encore, une explosion qui emporterait le Vatican et même Saint-Pierre, si, un jour, les livres se réveillaient à leur tour, parlaient haut, comme parlait la beauté des Vénus et la virilité des Apollons. Mais le blanc vieillard, si diaphane, semble ne pas entendre, ne pas voir. Et les têtes colossales de Jupiter, et les torses d'Hercule, et les Antinous aux hanches équivoques, continuent à le regarder passer. Impatient, Narcisse se décida à questionner un gardien qui lui assura que sa sainteté était descendue déjà. Le plus souvent, en effet, pour raccourcir, on passait par une petite galerie couverte qui débouchait devant la monnaie. « Descendons aussi, voulez-vous » demanda-t-il à Pierre. « Je vais tâcher de vous faire visiter les jardins. » En bas, dans le vestibule, dont une porte ouvrait sur une large allée, il se remit à causer avec un autre gardien, un ancien soldat pontifical qu'il connaissait particulièrement. Tout de suite, celui-ci le laissa passer avec son compagnon. Mais il ne put lui affirmer que Monsignor et Gamba del Zoppo, ce jour-là, accompagnaient sa sainteté. « N'importe, » reprit Narcisse, quand ils se trouvèrent tous les deux seuls dans l'allée. « Je ne désespère pas encore d'une heureuse rencontre. Et vous voyez, voici les fameux jardins du Vatican. » Ils sont très vastes. Le pape peut y faire 4 kilomètres par les allées du bois, puis en passant par la vigne et par le potager. Ces jardins occupent le plateau de la colline vaticane, que l'antique mur de Léon IV entoure encore de toutes parts, ce qui les isole des vallons voisins, comme au sommet d'une enceinte de forteresse. Autrefois, le mur allait jusqu'au château Saint-Ange, et c'était là ce qu'on nommait la cité léonine. Rien ne les domine, aucun regard curieux ne saurait y descendre, si ce n'est du dôme de Saint-Pierre, dont l'énormité seule y jette son ombre par les brûlants jours d'été. Ils sont, d'ailleurs, tout un monde, un ensemble varié et complet que chaque pape s'est plu à embellir. Un grand parterre au gazon géométrique, planté de 2 beaux palmiers, orné de citronniers et d'orangers en pot. Un jardin plus libre, plus ombreux, où, parmi les charmilles profondes, se trouve l'Aquilone, la fontaine de Jean Vezzanzio, et l'ancien casino de Pie IV. Les bois ensuite, aux chênes verts superbes, des futaies de platanes, d'acacias et de pins, que coupent de larges allées, d'une douceur charmante pour les lentes promenades. Et enfin, en tournant à gauche, après d'autres bouquets d'arbres, le potager, la vigne, un plant de vigne très soigné. Tout en marchant au travers du bois, Narcisse donnait à Pierre des détails sur la vie du Saint-Père dans ses jardins. Lorsque le temps le permet, il s'y promène tous les deux jours. Jadis, dès le mois de mai, les papes quittaient le Vatican pour le Quirinal, plus frais et plus sain, et ils allaient passer les grandes chaleurs à Castel Gandolfo, au bord du lac d'Albano. Aujourd'hui, le Saint-Père n'a plus pour résidence d'été qu'une tour de l'ancienne enceinte de Léon IV, à peu près intacte. Il vient vivre les journées les plus chaudes. Il a même fait construire, à côté, une sorte de pavillon pour y loger sa suite, de façon à s'y installer à demeure. Et Narcisse, en familier, entra librement, put obtenir que Pierre jetât un coup d'œil dans l'unique pièce occupée par sa sainteté, une vaste pièce ronde au plafond demi-sphérique où le ciel est peint avec les figures symboliques des constellations, dont une, le lion, a pour yeux deux étoiles qu'un système d'éclairage fait étinceler la nuit. Les murs sont d'une telle épaisseur qu'en murant une des fenêtres, on a pu ménager dans l'embrasure une sorte de chambre où se trouve un lit de repos. Du reste, le mobilier ne se compose que d'une grande table de travail, une plus petite, volante, pour manger, un large et royal fauteuil, entièrement doré, un des cadeaux du jubilé épiscopal. Et l'on rêve aux journées de solitude, d'absolu silence, dans cette salle basse de donjon, fraîche comme un sépulcre, lorsque les lourds soleils de juillet et d'août brûlent au loin Rome anéantie. Puis, c'était des détails encore. Un observatoire astronomique a été installé dans une autre tour qu'on aperçoit parmi les verdures, surmontée d'une petite coupole blanche. Il y a aussi, sous des arbres, un chalet suisse où Léon XIII aime à se reposer. Il va parfois à pied jusqu'au potager, il s'intéresse surtout à la vigne qu'il visite pour voir si le raisin mûrit, si la récolte sera belle. Mais ce qui étonna le plus le jeune prêtre, ce fut d'apprendre que le Saint-Père était un déterminé chasseur lorsque l'âge ne l'avait point encore affaibli. Il chassait au roccolo passionnément, à la lisière d'un taillis. Des filets à larges mailles sont tendus le long d'une allée qu'ils bordent ainsi et ferment des deux côtés. Au milieu, sur le sol, on pose les cages des apôts dont le chant ne tarde pas à attirer les oiseaux du voisinage, les rouges-gorges, les fauvettes, les rossignols, des becs-figues de toute espèce. Et quand une bande était là, nombreuse, Léon XIII, assis à l'écart, guettant, tapait dans ses mains, effarait brusquement les oiseaux qui s'envolaient et se prenaient par les ailes dans les grandes mailles défilées. Il n'y avait plus qu'à les ramasser, puis à les étouffer d'un léger coup de pouce. Les becs-figues rôties sont un délicieux régal. Comme il revenait par le bois, Pierre eut une autre surprise. Il tomba sur une grotte de Lourdes, imitée en petit, reproduite à l'aide de rochers et de blocs de ciment. Et son émotion fut telle qu'il ne put la cacher à son compagnon. « C'est donc vrai ? On me l'avait dit, mais je m'imaginais le Saint-Père plus intellectuel, dégagé de ses superstitions basses. »« Oh ! » répondit Narcisse, « je crois que la grotte date de Pie IX, qui avait une particulière reconnaissance à Notre-Dame de Lourdes. En tout cas, ce doit être un cadeau, et Léon XIII l'a fait entretenir, simplement. » Pendant quelques minutes, Pierre resta immobile, silencieux devant cette reproduction. ce joujou enfantin de la foi. Des visiteurs, par zèle dévot, avaient laissé leur carte de visite piquée dans les gerçures du ciment. Et ce fut pour lui une très grande tristesse. Il se remit à suivre son compagnon, la tête basse, perdu dans une rêverie désolée sur l'imbécile misère du monde. Puis, à la sortie du bois, de nouveau en face du parterre, il leva les yeux. Grand Dieu ! Que cette fin d'un beau jour était exquise pourtant, et quel charme victorieux montait de la terre dans cette partie adorable des jardins. Plus que sous les ombrages alanguis du bois, plus même que parmi les vignes fécondes, il sentait là toute la force de la puissante nature, au milieu de ce parterre nu, désert, noble et brûlant. C'était à peine au-dessus des gazons maigres, ornant avec symétrie les compartiments géométriques que les allées découpaient, quelques arbustes bas, des roseaux nains, des aloès, de rares touffes de fleurs à demi séchées. Et, dans le goût baroque d'autrefois, des buissons verts dessinaient encore les armes de Pie IX. Troublant seul le chaud silence, on n'entendait que le petit bruit cristallin du jet d'eau central, une pluie de gouttes qui retombait perpétuellement d'une vasque. Rome entière, avec son ciel ardent, sa grâce souveraine, sa volupté conquérante, semblait animer de son âme cette décoration carrée, vaste mosaïque de verdure, dont le demi-abandon, le délabrement roussi, prenait une mélancolique fierté, dans le frisson très ancien d'une passion de flamme qui ne pouvait mourir. Des vases antiques, des statues antiques, d'une nudité blanche sous le soleil couchant, bordaient le parterre, et, dominant l'odeur des eucalyptus et des pins, plus forte aussi que l'odeur des oranges mûrissantes, une odeur s'élevait. Celle des grands buis amers, si chargés de vie âpre, qu'elle troublait au passage, comme l'odeur même de la virilité de ce vieux sol, saturé de poussières humaines. « C'est bien extraordinaire que nous n'ayons pas rencontré sa sainteté, » disait Narcisse. « Sans doute la voiture aura pris par l'autre allée du bois, tandis que nous nous arrêtions à la tour de Léon IV. » Il en était revenu à son cousin, Monsignore Gamba del Zoppo. Il expliquait que la fonction de copiere des chansons du pape, que celui-ci aurait dû remplir, comme un des quatre camériers secrets participants, n'était plus qu'une charge purement honorifique, surtout depuis que les dîners diplomatiques et les dîners de consécration épiscopale avaient lieu à la secrétairerie d'État, chez le cardinal secrétaire. Monsignore Gamba del Zoppo, dont la nullité poltronne était légendaire, ne semblait avoir d'autre rôle que de recréer Léon XIII, qu'il aimait beaucoup, pour ses flatteries continuelles et pour les anecdotes qu'il en tirait sur tous les mondes, le noir et le blanc. Ce gros homme aimable, obligeant même tant que son intérêt n'entrait pas en jeu, était une véritable gazette vivante, au courant de tout, ne dédaignant pas les commérages des cuisines, de sorte qu'il s'acheminait tranquillement vers le cardinalat, certain d'avoir le chapeau, sans se donner d'autre peine que d'apporter les nouvelles aux heures douces de la promenade. Et Dieu savait s'il trouvait sans cesse d'amples moissons à faire, dans ce Vatican fermé, où s'agite un tel pullulement de prélats de toutes sortes, dans cette famille pontificale, sans femme, composée de vieux garçons portant la robe, que travaillent sourdement des ambitions démesurées, des luttes sourdes et abominables, des haines féroces qui, dit-on, vont encore parfois jusqu'au bon vieux poison des anciens temps. Brusquement, Narcisse s'arrêta. « Tenez, je savais bien, voici le Saint-Père. Mais nous n'avons pas de chance, il ne nous verra même pas, il va remonter en voiture. » En effet, La calèche venait de s'avancer jusqu'à la lisière du bois, et un petit cortège, qui débouchait d'une allée étroite, se dirigeait vers elle. Pierre avait reçu au cœur un grand coup. Immobilisé avec son compagnon, caché à demi derrière le haut vase d'un citronnier, il ne put voir que de loin le blanc vieillard, si frêle dans les plis portants de sa soutane blanche, marchant très lentement, d'un petit pas qui semblait glisser sur le sable. À peine put-il distinguer la maigre figure de vieil ivoire diaphane, accentuée par le grand nez au-dessus de la bouche mince. Mais les yeux très noirs luisaient d'un sourire, curieusement, tandis que l'oreille se penchait à droite vers Monsignor et Gamba del Zoppo, en train sans doute de terminer une histoire, gras et court, fleurie et digne. De l'autre côté, à gauche, marchait un garde noble, et deux autres prélats suivaient. Ce ne fut qu'une apparition familière. Déjà, Léon XIII montait dans la calèche fermée. Et Pierre, au milieu de ce grand jardin, brûlant et odorant, retrouvait l'émoi singulier qu'il avait ressenti dans la galerie des candélabres, quand il avait évoqué le passage du pape au travers des Apollons et des Vénus, étalant leur nudité triomphale. Là, ce n'était que l'art païen qui célébrait l'éternité de la vie, les forces superbes et toutes puissantes de la nature. Et voici qu'ici, il le voyait baigné dans la nature elle-même, dans la plus belle, la plus voluptueuse, la plus passionnée. Ah, ce pape, ce blanc vieillard promenant son dieu de douleur, d'humilité et de renoncement, par les allées de ses jardins d'amour, aux soirs alanguis des ardentes journées de l'été, sous la caresse des odeurs des pins et des eucalyptus, les oranges mûres, des grands buis amers. Pan tout entier l'y enveloppait des effluves souverains de sa virilité. Comme il faisait bon de vivre là, parmi cette magnificence du ciel et de la terre, et d'y aimer la beauté de la femme, et de s'y réjouir dans la fécondité universelle. Brusquement, éclatait cette vérité décisive que, de ce pays de lumière et de joie, n'avait pu pousser qu'une religion temporelle de conquête, de domination politique, et non la religion mystique et souffrante du Nord, une religion d'âme. Mais Narcisse emmenait le jeune prêtre en lui contant encore des histoires. La bonhomie parfois de Léon XIII, qui s'arrêtait pour causer avec les jardiniers, les questionnait sur la santé des arbres, sur la vente des oranges, et aussi la passion qu'il avait eue pour deux gazelles, envoyées en cadeau d'Afrique, de jolies bêtes fines qu'il aimait à caresser, et dont il avait pleuré la mort. D'ailleurs, Pierre n'écoutait plus. Et quand ils se retrouvèrent tous deux sur la place Saint-Pierre, il se retourna, il regarda une fois encore le Vatican. Ses yeux étaient tombés sur la porte de bronze, et il se rappela que, le matin, il s'était demandé ce qu'il y avait derrière ces panneaux de métal, garnis de gros clous à tête carrée. Et il n'osait se répondre encore. Il n'osait décider si les peuples nouveaux, avide de fraternité et de justice, y trouverait la religion attendue par les démocraties de demain, car il n'en portait qu'une impression première. Mais combien cette impression était vive, et quel commencement de désastre pour son rêve. Une porte de bronze, oui, dure et inexpugnable, murant le Vatican sous ses lames antiques, le séparant du reste de la terre si solidement que rien n'y était plus entré depuis 3 siècles. Derrière, il venait de voir renaître les anciens siècles, jusqu'au 16e, immuables. Les temps s'y étaient comme arrêtés, à jamais. Rien n'y bougeait plus. Les costumes eux-mêmes des gardes suisses, des gardes nobles, des prélats, n'avait pas changé. Et l'on retrouvait là le monde d'il y a 300 ans, avec son étiquette, ses vêtements, ses idées. Si, depuis 25 années, les papes, par une protestation hautaine, s'enfermaient volontairement dans leur palais, le séculaire emprisonnement dans le passé, dans la tradition, datait de bien plus loin et présentait un danger autrement grave. Tout le catholicisme avait fini par y être enfermé, comme eux, s'obstinant à ses dogmes, ne vivant plus, immobile et debout, que grâce à la force de sa vaste organisation hiérarchique. Alors, était-ce donc que, malgré son apparente souplesse, le catholicisme ne pouvait céder sur rien sous peine d'être emporté? Puis, quel monde terrible! Tant d'orgueil, tant d'ambition, tant de haines et de luttes! Et quelle prison étrange! Quel rapprochement sous les verrous! Le Christ, en compagnie de Jupiter Capitolin, toute l'Antiquité païenne, fraternisant avec les apôtres, toutes les splendeurs de la Renaissance entourant le pasteur de l'Évangile, qui règne au nom des pauvres et des simples. Sur la place Saint-Pierre, le soleil déclinait. La douce volupté romaine tombait du ciel limpide, et le jeune prêtre restait éperdu après ce beau jour, passé avec Michel-Ange, Raphaël, les antiques et le pape, dans le plus grand palais du monde. « Enfin, mon cher abbé, excusez-moi, » conclut Narcisse. « Je vous l'avoue maintenant, je soupçonne mon brave cousin de ne pas vouloir se compromettre dans votre affaire. Je le verrai encore, mais vous ferez bien de ne pas trop compter sur lui. » Ce jour-là, il était près de 6 heures, lorsque Pierre revint au palais Boccanera. D'habitude, modestement, il passait par la ruelle et prenait la porte du petit escalier dont il possédait une clé. Mais il avait reçu, le matin, une lettre du vicomte Philibert de la Choue qu'il voulait communiquer à Benedetta. Et il monta le grand escalier. Il s'étonna de ne trouver personne dans l'antichambre. Les jours ordinaires, lorsque Giacomo devait sortir, Victorine s'y installait, y travaillait à quelque ouvrage de couture en toute bonhomie. Sa chaise était bien là, il vit même sur une table le linge qu'elle y avait laissé, mais elle s'en était allée sans doute. Il se permit de pénétrer dans le premier salon. Il y faisait presque nuit déjà, le crépuscule s'y éteignait avec une douceur mourante, et le prêtre resta saisi, n'osa plus avancer, en entendant venir du salon voisin, le grand salon jaune, un bruit de voix éperdu, des froissements, des heurts, toute une lutte. C'était des supplications ardentes, puis des grondements. Et brusquement, il n'hésita plus. Il fut emporté comme malgré lui, par cette certitude que quelqu'un se défendait dans cette pièce et allait succomber. Quand il se précipita, ce fut une stupeur. Dario était là, fou, lâché en une sauvagerie de désir où reparaissait tout le sang effréné des Boccanera, dans son épuisement élégant de fin de race. Et il tenait Benedetta aux épaules, il l'avait renversée sur un canapé, la violentant, la voulant, lui brûlant la face de ses paroles. « Pour l'amour de Dieu, chérie, pour l'amour de Dieu, si tu ne souhaites pas que je meure et que tu meures, puisque tu le dis toi-même, puisque c'est fini, que jamais ce mariage ne sera cassé, oh, ne soyons pas malheureux davantage, aime-moi comme tu m'aimes, et laisse-moi t'aimer, laisse-moi t'aimer !» Mais, de ses deux bras tendus, pleurante, avec une face de tendresse et de souffrance indicible, la contessina le repoussait, pleine elle aussi d'une énergie farouche, en répétant « Non, non, je t'aime, je ne veux pas, je ne veux pas !» À ce moment, dans son grondement désespéré, Dario eut la sensation que quelqu'un entrait. Il se releva violemment, regarda Pierre d'un air de démence hébété, sans même le bien reconnaître. Puis il passa les deux mains sur son visage, les joues ruisselantes, les yeux sanglants. Et il s'enfuit, en poussant un soupir, un « Hum !» terrible et douloureux, où son désir refoulé se débattait encore dans des larmes et dans du repentir. Benedetta était restée assise sur le canapé, soufflante, à bout de courage et de force. Mais au mouvement que Pierre fit pour se retirer également, très embarrassée de son rôle, ne trouvant pas un mot, elle le supplia d'une voix qui se calmait. « Non, non, monsieur l'abbé, ne vous en allez pas, je vous en prie, asseyez-vous, je désire causer avec vous un instant. » Il crut pourtant devoir s'excuser de son entrée si brusque. Il expliqua que la porte du premier salon était entr'ouverte et qu'il avait seulement aperçu dans l'antichambre le travail de Victorine laissé sur une table. « Mais c'est vrai !» s'écria la contessina. « Victorine devait y être, je venais de la voir. Je l'ai appelée quand mon pauvre Mario s'est mis à perdre la tête. Pourquoi donc n'est-elle pas accourue ?» Puis, dans un mouvement d'expansion, se penchant à demi, la face encore brûlante de la lutte, « Écoutez, monsieur l'abbé, je vais vous dire les choses, parce que je ne veux pas que vous emportiez une trop vilaine idée de mon pauvre Dario. Ça me ferait beaucoup de peine. Voyez-vous, c'est un peu de ma faute ce qui vient d'arriver. Hier soir, il m'avait demandé un rendez-vous ici, pour que nous puissions causer tranquillement. Et comme je savais que ma tante n'y serait pas aujourd'hui, à cette heure, je lui ai donc dit de venir. C'était fort naturel, n'est-ce pas, de nous voir, de nous entendre, après le gros chagrin que nous avons eu, à la nouvelle que mon mariage ne sera sans doute jamais annulé. Nous souffrons trop, il faudrait prendre un parti. Et alors, quand il a été là, nous nous sommes mis à pleurer. Nous sommes restés longtemps aux bras l'un de l'autre, nous caressant, mêlant nos larmes. Je l'ai baisé mille fois, en lui répétant que je l'adorais, que j'étais désespérée de faire son malheur, que je mourrais sûrement de ma peine à le voir si malheureux. Peut-être a-t-il pu se croire encouragé. Et d'ailleurs, il n'est pas un ange. Je n'aurais pas dû le garder de la sorte si longtemps sur mon cœur. Vous comprenez, monsieur l'abbé, il a fini par être comme un fou et par vouloir la chose que, devant la Madone, j'ai juré de ne jamais accorder qu'à mon mari. » Elle disait cela tranquillement, simplement, sans embarras aucun, de son air de belle fille raisonnable et pratique. Un faible sourire parut sur ses lèvres quand elle continua. « Oh, je le connais bien, mon pauvre Dario, et ça ne m'empêche pas de l'aimer, au contraire. Il a l'air délicat, un peu maladif même. Au fond, c'est un passionné, un homme qui a besoin de plaisir. Oui, c'est le vieux sang qui bouillonne. J'en sais quelque chose, car j'ai eu des colères étant petite, à rester par terre. Et aujourd'hui encore, quand le grand souffle passe, il faut que je me batte contre moi-même, que je me torture pour ne pas faire toutes les sottises du monde. Mon pauvre Dario, il sait si mal souffrir. Il est tel qu'un enfant dont les caprices doivent être contentés. Mais, au fond, pourtant, il a beaucoup de raisons. Il m'attend, parce qu'il se dit que le bonheur sérieux est avec moi, qu'il adore. » Et Pierre vit alors se préciser pour lui cette figure du jeune prince, restée vague jusque-là. Tout en mourant d'amour pour sa cousine, il s'était toujours amusé. Un fond d'égoïsme parfait, mais un très aimable garçon quand même. Surtout, une incapacité absolue de souffrir, une horreur de la souffrance, de la laideur et de la pauvreté chez lui et chez les autres. De chair et d'âme pour la joie, l'éclat, l'apparence, la vie au clair soleil. Et fini, épuisé, n'ayant plus de force que pour cette vie d'oisif, ne sachant même plus penser et vouloir, à ce point que l'idée de se rallier au régime nouveau ne lui était pas même venue. Avec ça, l'orgueil démesuré du Romain, la paresse mêlée d'une sagacité, d'un sens pratique du réel, toujours en éveil. Et dans le charme doux et finissant de sa race, dans son continuel besoin de femme, des coups de furieux désir, une sensualité fauve qui parfois se ruait. Mon pauvre Dario, qu'il aille en voir une autre, je le lui permets, ajouta très bas Benedetta avec son beau sourire. N'est-ce pas? Il ne faut point demander l'impossible à un homme. Je ne veux pas qu'il en meure. Et comme Pierre la regardait, dérangée dans son idée de la jalousie italienne, elle s'écria, toute brûlante de son adoration passionnée. Non, non, je ne suis pas jalouse de ça. C'est son plaisir, ça ne me fait pas de peine. Et je sais très bien qu'il me reviendra toujours, qu'il ne sera plus qu'à moi, à moi seule, quand je le voudrai, quand je le pourrai. Il y eut un silence. Le salon s'emplissait d'ombre, l'or des grandes consoles s'éteignait. Une mélancolie infinie tombait du haut plafond obscur et des vieilles tentures jaunes, couleur d'automne. Bientôt, par un hasard de l'éclairage, un tableau se détacha au-dessus du canapé où la contessina était assise. Le portrait de la jeune fille au turban, si belle, Cassia Bucanera, l'ancêtre, l'amoureuse et la justicière. De nouveau, la ressemblance frappa le prêtre. Et il pensa tout haut. Il reprit « La tentation est la plus forte. Il vient toujours une minute où l'on succombe. Et tout à l'heure, si je n'étais pas entré... » Violemment, Benedetta l'interrompit. « Moi ? Moi ? Ah ! Vous ne me connaissez pas ! Je serais mort plutôt !» Et, dans une exaltation dévote extraordinaire, toute soulevée d'amour, et comme si la foi superstitieuse eût embrasé en elle la passion jusqu'à l'extase, « J'ai juré à la Madone de donner ma virginité à l'homme que j'aimerais, seulement le jour où il sera mon mari. Et ce serment, je l'ai tenu au prix de mon bonheur, je le tiendrai au prix de ma vie même. Oui, Dario et moi, nous mourrons s'il le faut, mais la Sainte Vierge a ma parole, et les anges ne pleureront pas dans le ciel. » Elle était là tout entière, d'une simplicité qui pouvait d'abord paraître compliquée, inexplicable. Sans doute, elle cédait à cette singulière idée de noblesse humaine que le christianisme a mise dans le renoncement et la pureté. Toute une protestation contre l'éternelle matière, les forces de la nature, la fécondité sans fin de la vie. Mais en elle, il y avait plus encore, un prix d'amour inestimable donné à la virginité, un cadeau exquis d'une joie divine qu'elle voulait faire à l'amant élu, choisi par son cœur, devenu le maître souverain de son corps, dès que Dieu les aurait unis. Pour elle, en dehors du prêtre, du mariage religieux, il n'y avait que péché mortel et abomination. Et dès lors, on comprenait sa longue résistance à Prada, qu'elle n'aimait pas, sa résistance désespérée et si douloureuse à Dario, qu'elle adorait, mais à qui elle ne voulait s'abandonner qu'en légitime union. Et quelle torture pour cette âme enflammée que de résister à son amour! Quel continuel combat du devoir, du serment fait à la Vierge, contre la passion, cette passion de sa race, qui, parfois, comme elle l'avouait, souillait chez elle en tempête. Tout ignorante et indolente qu'elle fût, capable d'une éternelle fidélité de tendresse, elle exigeait d'ailleurs le sérieux, le matériel de l'amour. Aucune fille n'était moins qu'elle perdue dans le rêve. Pierre la regardait, sous le crépuscule mourant, et il lui semblait qu'il la voyait, qu'il la comprenait pour la première fois. Sa dualité s'accusait dans les lèvres un peu fortes et charnelles, les yeux immenses, noirs et sans fond, et dans le visage si calme, si raisonnable, d'une délicatesse d'enfance. Avec cela, derrière ses yeux de flamme, sous cette peau d'une candeur filiale, on sentait la tension intérieure de la superstitieuse, de l'orgueilleuse et de la volontaire. La femme, qui se gardait obstinément à son amour, ne manœuvrant que pour en jouir, toujours prête, dans sa raison avisée, à quelque folie de passion qui l'emporterait. Ah ! Comme il s'expliquait qu'on l'aimât ! Comme il sentait qu'une créature si adorable, avec sa belle sincérité, sa fougue à se réserver pour se donner mieux, devait emplir l'existence d'un homme. Et qu'elle lui apparaissait bien la sœur cadette de cette Cassia délicieuse et tragique, qui n'avait pas voulu vivre avec sa virginité désormais inutile et qui s'était jetée au Tibre en y entraînant son frère, Ercole, et le cadavre de Flavio, son amant. Dans un mouvement de bonne affection, Benedetta avait saisi les deux mains de Pierre. « Monsieur l'abbé, voici une quinzaine de jours que vous êtes ici, et je vous aime bien, parce que je sens en vous un ami. Si vous ne nous comprenez pas du premier coup, il ne faut pourtant pas trop mal nous juger. Je vous jure que, si peu savante que je sois, je tâche toujours d'agir le mieux possible. » Il fut infiniment touché de sa bonne grâce, et il l'en remercia, en gardant un instant ses belles mains dans les siennes, car lui aussi se prenait pour elle d'une grande tendresse. Un rêve de nouveau l'emportait, être son éducateur, s'il en avait jamais le temps. Ne pas repartir, du moins, sans avoir conquis cette âme aux idées de charité et de fraternité futures, qui étaient les siennes. N'était-elle pas l'Italie d'hier, cette créature admirable, indolente, ignorante, inoccupée, ne sachant que défendre son amour? L'Italie d'hier, si belle et si endormie, avec sa grâce finissante, charmeresse dans son ensommeillement, et qui gardait tant d'inconnus au fond de ses yeux noirs, brûlants de passion. Et quel rôle que de l'éveiller, de l'instruire, de la conquérir pour la vérité, le peuple des souffrants et des pauvres, l'Italie rajeunie de demain, telle qu'il la rêvait. Même dans le mariage désastreux avec le comte Prada, dans la rupture, il voulait voir une première tentative manquée, l'Italie moderne du Nord allant trop vite en besogne, trop brutale à aimer et à transformer la douce Rome attardée, grande encore et paresseuse. Mais ne pouvait-il reprendre la tâche? N'avait-il pas remarqué que son livre, après l'étonnement de la première lecture, était resté chez elle une préoccupation, un intérêt, au milieu du vide de ses journées, emplies de ses seuls chagrins? Quoi? S'intéresser aux autres, aux petits de ce monde, au bonheur des misérables. Était-ce possible? Y avait-il donc là un apaisement à sa propre misère? Et elle était émue déjà, et il se promettait de faire jaillir ses larmes, frémissant lui-même près d'elle, à la pensée de l'infini d'amour qu'elle donnerait le jour où elle aimerait. La nuit venait, complète, et Benedetta s'était levée pour demander une lampe. Puis, comme Pierre prenait congé, elle le retint un instant encore dans les demi-ténèbres. Il ne la voyait plus, et il l'entendait seulement répéter de sa voix grave. « N'est-ce pas, monsieur l'abbé, vous n'emporterez pas une trop mauvaise opinion de nous? Dario et moi, nous nous aimons, et ce n'est pas un péché quand on est sage. » Ah oui, je l'aime, et depuis si longtemps. Figurez-vous, j'avais 13 ans à peine, lui en avait 18, et nous nous aimions comme des fous dans ce grand jardin de la Villa Montefiori qu'on a saccagé. Ah, les jours que nous avons passés là, les après-midi entiers, lâchés à travers les arbres, les heures vécues au fond de cachettes introuvables, à nous baiser ainsi que des chérubins. Lorsque venait le temps des oranges mûres, c'était un parfum qui nous grisait. Et les grands buis amers, mon Dieu, comme ils nous enveloppaient. De quelle odeur puissante ils nous faisaient battre le cœur. Je ne peux plus les respirer maintenant sans défaillir. » Giacomo apportait la lampe et Pierre remonta chez lui. Dans le petit escalier, il trouva Victorine, qui eut un léger sursaut comme si elle s'était postée là à le guetter sortir du salon. Elle le suivit, elle causa, se renseigna. Et tout d'un coup, le prêtre eut conscience de ce qui s'était passé. « Pourquoi donc n'êtes-vous pas accouru lorsque votre maîtresse vous a appelé, puisque vous étiez en train de coudre dans l'antichambre ?» D'abord, elle voulut faire l'étonner, dire qu'elle n'avait rien entendu. Mais sa bonne figure de franchise ne pouvait mentir, riait quand même. Elle finit par se confesser de son air brave et gai. « Dame, est-ce que ça me regardait d'intervenir entre des amoureux ? Et puis, j'étais bien tranquille, je savais que le prince l'aime trop pour lui faire du mal à ma petite Benedetta. » La vérité était que, comprenant ce dont il s'agissait, au premier appel de détresse, elle avait posé doucement son ouvrage sur la table et s'en était allée à pas de loup, pour ne pas avoir à déranger ses chers enfants, ainsi qu'elle les nommait. « Ah, la pauvre petite !» conclut-elle. « Comme elle a tort de se martyriser pour des idées de l'autre monde. Puisqu'ils s'aiment, où serait le mal, grand Dieu, s'ils se donnaient un peu de bonheur ? La vie n'est pas si drôle. Et quel regret, plus tard, le jour où il ne serait plus temps !» Restée seule dans sa chambre, Pierre se sentit tout d'un coup chancelant, éperdu. Les grands buis amers, les grands buis amers. Comme lui, elle avait frissonné à leur âpre odeur de virilité. Et ils revenaient, et ils évoquaient ceux des jardins pontificaux, des voluptueux jardins romains, déserts et brûlants sous l'auguste soleil. Sa journée entière se résumait, prenait clairement sa signification totale. C'était le réveil fécond, l'éternelle protestation de la nature et de la vie. La Vénus et l'Hercule qu'on peut enfouir pour des siècles dans la terre, mais qui en surgissent quand même un jour, qu'on peut vouloir murer au fond du Vatican dominateur, immobile et têtu, mais qui règne même là et gouverne le monde souverainement.